الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu dans le cours d'hier la réponse générale que l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala a mentionnée afin de répondre et dissiper toute ambiguïté qui pourrait être avancée par les polythéistes afin de justifier l'adoration des morts, des vertueux, des tombes, des mausolées et autres parmi ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à partir du cours d'aujourd'hui, nous allons voir les réponses détaillées à plus d'une dizaine de leurs ambiguïtés à ce sujet. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a répondu à chacune d'entre elles. Il commence en disant « Wa amma al-jawab al-mufassal » quant à la réponse détaillée, c'est-à-dire la réponse détaillée à chaque ambiguïté. « Fa inna a'da Allah lahum i'tiradat kathira ala dini ar-rusul » Alors certes, les ennemis d'Allah, c'est-à-dire parmi les polythéistes qui adorent autre qu'Allah, ils ont de nombreuses objections par lesquelles ils s'opposent à la religion des messagers, alayhim salatu wassalam. Yasudduna biha an-nas anhu. Par ces ambiguïtés, ils écartent les gens de la religion des messagers, alayhim salatu wassalam. Ils les éloignent du culte sincère voué à Allah subhanahu wa ta'ala pour les mener au polythéisme et à l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah, mentionne la première de ces ambiguïtés et il dit « Minha qawluhum » Parmi ces ambiguïtés, il y a leur parole « Nahnu la nushriku billah » En ce qui nous concerne, nous ne donnons pas d'associer à Allah. « Bal nashhadu annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yanfa' wa la yadur illa Allah wahdahu la sharika lah » Mais nous attestons que nul ne crée, nul ne donne la subsistance, nul n'a la capacité de profiter ou de nuire, si ce n'est Allah seul sans associé. Donc si vous méditez sur toute l'introduction qu'on a vue, et ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné précédemment, vous comprenez immédiatement quelle est cette ambiguïté. C'est qu'ils n'ont pas compris la réalité du shirk, et pensent que le shirk est de croire que autre qu'Allah peut créer, que autre qu'Allah peut donner la subsistance, qu'autre qu'Allah peut nuire ou profiter. Ensuite, ils disent « Wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra » Et nous attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne possède pour lui-même ni profit ni nuisance. « Fadlan an Abdil Qadir ughayrihi » Alors que dire de Abdel Qadir et autre que lui? Et il vise par Abdel Qadir al-Jailani, rahimahullah, qui était un homme vertueux, dont la tombe a été prise pour divinité en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils commencent par dire cela, ils introduisent leur ambiguïté par cela en disant « nous ne faisons pas de shirk ». On voit donc qu'ils reconnaissent l'interdiction du shirk, mais ils ne savent pas quelle est la réalité du shirk. Ils attestent qu'Allah est le seul créateur, le seul à donner la subsistance, le seul à avoir la capacité de profiter ou de nuire. Ils attestent également que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas le pouvoir de nuire ou de profiter. Et encore moins autre que lui parmi les gens vertueux. Donc pourquoi ils se rapprochent d'eux? C'est là que vient l'ambiguïté. Ils disent, « Walakin ana mudhnib » Mais moi je fais des péchés, je n'ai pas l'aptitude à demander directement. Donc il prend des intermédiaires. وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ Et les vertueux, ils ont une renommée, ils ont un rang éminent auprès d'Allah. وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ Je demande donc les choses qu'elles me viennent d'Allah, mais je demande par leur intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah, subhanahu wa ta'ala, pensant que ces intermédiaires pouvaient les rapprocher d'Allah et transmettre leur demande à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'en agissant ainsi, il serait plus à même d'obtenir ce qu'il recherche. Donc cette première ambiguïté, en résumé, c'est quoi? Si on devait la résumer en une phrase, on dirait qu'elle consiste à croire que celui qui reconnaît l'unicité dans la Seigneurie et ne recherche à travers ce qu'il voue aux vertueux que l'intercession et le fait de se rapprocher d'Allah, alors il n'est pas polythéiste. Donc le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous apporte la réponse à cette ambiguïté et il dit « Fajawibuhu bima taqaddam » Réponds-lui par tout ce qui a précédé. Tout ce qu'on a vu dans l'introduction de ce livre répond de manière indiscutable à cette ambiguïté. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, de nous résumer à nouveau la réponse et de dire « Wahuwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna bima dhakart » Et c'est que ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils reconnaissaient ce que tu as mentionné. Ils reconnaissaient qu'Allah est le seul créateur, le seul à donner la subsistance et ainsi de suite. وَمُقِرُّونَ أَنَّ أَوْثَانَهُمْ لَا تُدَبِّرُ شَيْئًا Et ils reconnaissaient que leurs idoles n'administraient rien. Ils avaient la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en capacité de nuire ou de profiter. وَإِنَّمَا أَرَادُ الْجَاهَ وَالشَّفَاعَ Et ils ne recherchaient d'eux que leur renommée leur rend éminent auprès d'Allah et l'intercession. Ils se sont attachés à eux, aux vertueux, à leur tombe, à leur mausolée, en raison de leur rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk qui a été interdit dans le Coran, c'est exactement ce shirk que les adorateurs de tombes et de mausolées commettent aujourd'hui. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala de nous dire « Waqra alayh ma dhakara Allah fi kitabihi wa waddihhu » Et lis-lui à ce polythéiste qui vient à cette ambiguïté, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre et clarifie-lui. Il vise par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre, les versets nous démontrant que les premiers polythéistes reconnaissaient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Seigneurie. Et on a déjà vu deux versets à ce sujet dans l'introduction de ce livre, le verset 31 de Sourate Yunus et les versets 84 à 89 de Sourate Al-Mu'minun. Et on peut citer également le verset 25 de Sourate Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard » Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, « La yaqulunna Allah » Ils diront « Certes, c'est Allah » Et également dans le verset 61 de Sourate Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et qui a assigné le soleil et la lune, ils diront certainement c'est Allah. Donc ces versets sont des preuves claires et évidentes que les premiers polythéistes reconnaissaient l'unicité dans la Seigneurie. Et on ajoute à cela la preuve qu'ils ne recherchaient à travers l'adoration des idoles que le fait de se rapprocher d'Allah et l'intercession. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 18 de Sourate Yunus. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi au verset 3 de Sourate Az-Zumar, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى Et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'il nous rapproche davantage d'Allah. Donc on voit à travers ces versets la réponse à cette ambiguïté. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a répondu à cette ambiguïté dans son livre intitulé Al-Qawaid Al-Arba, les quatre règles que nous avons déjà étudiées ensemble pour ceux qui suivent cette série de cours sur le Tawhid depuis son début. Donc, on voit ici que le fait de reconnaître l'unicité dans la Seigneurie ne suffit pas pour être à l'abri du shirk. D'autant plus si la personne se rapproche d'autre qu'Allah, même si elle espère par cela se rapprocher d'Allah et obtenir l'intercession de ces êtres qu'elle adore en dehors d'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le résumé de la réponse à cette ambiguïté est que le polythéiste qui avance cela n'a rien ajouté et n'a rien de plus en comparaison au premier polythéiste. Ses agissements sont les mêmes agissements que les premiers polythéistes, et sa croyance est la même croyance que celle des premiers polythéistes. Il n'y a donc pas de différence entre eux, et il est bel et bien tombé dans le shirk. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, passe à la deuxième ambiguïté et il dit « فَإِنْ قَالْ هَهُلَا الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي مَنْ يَعْبُدُ الْأَصْنَامِ » Et s'il dit, c'est-à-dire en réponse à ce que tu viens de mentionner, que ces versets sont descendus sur ceux qui adoraient les statues. Donc le polythéiste, il va venir avec cette ambiguïté. Une fois qu'il sera coincé, suite à la réponse à sa première ambiguïté, que tu lui auras démontré clairement que les premiers polythéistes reconnaissaient l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, et que eux aussi avaient la certitude qu'Allah est le seul à créer, à diriger toute chose dans cet univers, à avoir la capacité de nuire ou de profiter, et que les polythéistes ne recherchaient qu'à se rapprocher d'Allah et l'intercession de ses êtres adorés. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, oui, mais ces versets que tu m'as cités, et ces preuves, elles concernent les gens qui adoraient des statues. Ils ont donc limité le shirk à l'adoration des statues, et ont considéré qu'adorer autre qu'Allah et autre que les statues ne relève pas du polythéisme. Et ceci est la deuxième ambiguïté, qu'ils ont restreint le shirk à l'adoration des statues. Et ils disent, كَيْفَ تَجْعَلُونَ الصَّالِحِينَ مِثْلَ الْأَصْنَامِ. Comment pouvez-vous mettre les vertueux au même niveau que les statues? أَمْ كَيْفَ تَجْعَلُونَ الْأَنْبِيَا أَصْنَامًا. Ou comment pouvez-vous considérer les prophètes comme des statues? Donc ceci fait partie des habitudes des gens du faux, parmi les adeptes du polythéisme, qui exagèrent au sujet des vertueux. Lorsqu'on vient leur interdire le shirk, lorsqu'on vient leur interdire d'invoquer autre qu'Allah, d'invoquer les morts, de faire des sacrifices pour les tombes et les mausolées, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous n'aimez pas les vertueux. Vous rabaissez les vertueux. Vous n'aimez pas les prophètes. Vous rabaissez les prophètes. Vous les méprisez, vous ne leur donnez pas leurs droits. Car pour eux, selon leurs croyances erronées et déviantes, il fait partie des droits des vertueux et des prophètes d'être invoqués en dehors d'Allah. Wal'iyadu billah. Donc ils vont se défendre de cette manière, afin de ternir l'image des prêcheurs au tawhid et de ceux qui appellent à vouer le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vont laisser penser aux gens que ces prêcheurs au tawhid n'aiment pas les vertueux, ne les respectent pas et ne leur donnent pas leurs droits. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, il va répondre à cette ambiguïté et il dit « فَجَوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمْ » Réponds-lui par ce que l'on a mentionné précédemment, c'est-à-dire dans la réponse à la première ambiguïté. « فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ الْكُفَّارَ يَشْهَدُونَ بِالرُّبُوبِيَّ كُلِّهَ لِلَّهِ وَأَنَّهُمْ مَا أَرَادُ مِمَّنْ قَصَدُوا إِلَّا الشَّفَاعَ » Donc, tu vas essayer de le pousser à reconnaître et à comprendre que les kuffars, c'est-à-dire ceux sur qui le Coran est descendu, ils attestaient de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala en entière, et qu'ils ne recherchaient de ceux vers qui ils se dirigeaient par différentes sortes d'adorations que l'intercession. Et le polythéiste, parmi les polythéistes de notre époque, va reconnaître cela. Il n'aura pas le choix que de reconnaître cela. Walakin arada an yufarriqa bayna fi'lihim wa fi'lihi bima dhakar. Mais il veut différencier et distinguer entre leur action, l'action des premiers polythéistes, et son action par ce qu'il a mentionné. Il veut sous-entendre que les premiers polythéistes, eux, ils adoraient des statues. Et eux, les polythéistes de notre époque, ils n'adorent pas de statues, mais ils adorent des vertueux. Donc il veut restreindre le shirk à l'adoration des statues seulement. Et le Coran démontre clairement la fausseté de cela. Et le shaykh va nous mentionner plusieurs versets à ce sujet. Il dit « فَذْكُرْ لَهُ أَنَّ الْكُفَّارَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَصْنَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُ الْأَوْلِيَاءِ Alors dis-lui que les mécréants, c'est-à-dire parmi les premiers polythéistes, certains parmi eux adoraient les statues, effectivement, mais d'autres parmi eux adoraient les vertueux, de la même manière que les polythéistes de notre époque. قال الله فيهم, Allah dit à leur sujet, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire les polythéistes, ils invoquent des êtres adorés en dehors d'Allah. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen d'être le plus proche de leur Seigneur. C'est-à-dire que ces êtres qu'ils adoraient en dehors d'Allah, eux-mêmes étaient des serviteurs d'Allah qui cherchaient à se rapprocher de leur Seigneur. Et il a été dit que ce verset est descendu au sujet de djinns qui étaient adorés en dehors d'Allah, puis qui sont entrés en islam, mais les hommes ont continué de leur vouer l'adoration. Il a aussi été dit que ce verset est descendu au sujet de ceux qui adorent Al-Uzair et Al-Messih, le Messie Isa, fils de Maryam. Et ces deux avis ne se contredisent pas, car ce verset est descendu au sujet de ceux qui invoquent une personne quelconque parmi les vertueux. Et ce vertueux qui est invoqué, lui-même, c'est une créature faible et indigente, qui espère la miséricorde d'Allah et a peur de son châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il répond à ceux qui adorent autre que lui parmi les vertueux, en leur disant « Ceux que vous adorez, ce sont mes serviteurs de la même manière que vous, vous êtes mes serviteurs. Donc, agissez de la même manière que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, au lieu de leur vouer le culte. » Au lieu de vouer le culte à Jésus, ne devrait-il pas plutôt agir comme Jésus le fait, qui vouait lui un culte exclusif à Allah? Au lieu de vouer le culte aux saints et aux vertueux, pourquoi n'agissent-ils pas de la même manière que le faisait, en vouant le culte exclusif à Allah? Donc quoi qu'il en soit, ce verset il nous démontre que les premiers polythéistes n'adoraient pas que les statues, mais ils adoraient aussi les hommes vertueux. وَيَدْعُونَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ. Et ils invoquaient également et adoraient Isa, fils de Maryam, Jésus, fils de Marie, ainsi que sa mère. وَقَدْ قَالَ تَعَالَ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. Le Messie, fils de Maryam, n'était qu'un messager. Méditez bien sur cette parole, n'était qu'un messager. Ce n'était pas une divinité. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. C'était une véridique, c'est-à-dire un des rangs les plus éminents après la prophétie. Mais elle n'était pas une divinité. C'était une femme véridique. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « Kana yakulani ta'am. » Tous deux, c'est-à-dire Isa et sa mère, Maryam, consommaient de la nourriture. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit-il cela dans ce verset? Que Isa et sa mère consommaient de la nourriture. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit dans le tafsir de ce verset que ceci est une preuve évidente qu'ils étaient tous deux des serviteurs indigents qui avaient des besoins. De la même manière que les enfants d'Adam ont besoin de nourriture et de boisson. Et s'ils étaient des divinités, alors ils se seraient passés de nourriture et de boisson et ils n'auraient eu besoin d'aucune chose. Fin de citation de la parole de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. C'est cela le sens de cette parole. Tous deux consommaient de la nourriture. Comme les hommes. Ce n'étaient pas des divinités, mais c'étaient des hommes. Ils avaient besoin de nourriture, besoin de boisson. Tandis que le véritable Dieu, Al-Ilahul Haqq, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Ghani. Il se passe de toute chose. Il n'a besoin de rien. Dans cet univers, il se passe des créatures. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de ce verset, « Anzur, kayfa nubayyinu lahumul ayat, thumma anzur anna yu'fakun. » Vois donc comment nous leur expliquons les preuves, et puis vois comment ils se détournent. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, « Qul, ata'buduna min dunillah, ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a, wallahu huwa as-sami'ul 'alim. » Dit, adorez-vous en dehors d'Allah ce qui ne possède pour vous aucune nuisance et aucun profit, alors qu'Allah est celui qui entend tout et qui sait parfaitement toutes choses. Donc on voit qu'ils adoraient les mécréants qui étaient présents au temps de l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autre que les statues. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il blâme l'adoration de Isa alayhi salam, qui est un prophète et un messager, et l'adoration de sa mère qui était une femme véridique, un rang éminent parmi les rangs après celui de la prophétie. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne un autre verset nous démontrant que il y avait également parmi eux ceux qui adoraient les anges. Il dit subhanahu wa ta'ala, wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil mala'ika ahaula iyyakum kanu ya'budun. Et le jour où il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens adoraient? Donc il y avait des gens qui adoraient les anges au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Ils diront en réponse à cela, pureté à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Bal kanu ya'budun al-jinn aktharuhum bihi mu'minun. Mais ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre eux ont foi. Donc tu vois à travers ces versets que les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé n'adoraient pas seulement les statues, mais il y avait parmi eux certains qui adoraient les vertueux, d'autres qui adoraient les prophètes et d'autres qui adoraient les anges. Et il n'y a pas de différence entre eux, peu importe l'être adoré. À partir du moment où la personne met une créature au même niveau que le créateur, alors elle est tombée dans le shirk, en vouant l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela relève du polythéisme, et les auteurs de ces actes sont tous des polythéistes. Tu vois donc à travers ces versets que les polythéistes de notre époque sont semblables à eux. Et ainsi s'est dissipée cette ambiguïté. Et le Cheikh, rahimahullah, de nous rajouter un verset de Surat al-Ma'ida au sujet de Isa alayhi salam, dans lequel il dit subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam. Et lorsqu'Allah dira, ô Isa, fils de Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère en tant que divinité en dehors d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala l'interrogera à ce sujet au jour de la résurrection. Il l'interrogera alors qu'il sait parfaitement que Isa alayhi salam est innocent de cela. Mais l'objectif est de le faire prononcer son désaveu de ceux qui l'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que toutes les créatures témoignent de la fausseté des adorations qui lui sont vouées, et que lui, Isa alayhi salam, ainsi que sa mère, sont innocents de cela, et qu'ils n'agréent pas cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cet événement qui se produira au jour de la résurrection, à titre de blâme et de réprimande adressée à tous ceux qui ont pris Isa alayhi salam, Jésus, ainsi que sa mère, Marie, en tant que divinité en dehors d'Allah. Donc Isa alayhi salam, il répondra, « Qala subhanak » il dira, « Pureté à toi. « Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq » Il ne me convient pas de dire une chose qui ne me revient pas de droit. Comment un prophète et messager pourrait-il appeler les gens à le prendre pour divinité en dehors d'Allah, alors que la religion avec laquelle il a été envoyé est d'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah? Ensuite il dit, in kuntu qultuhu faqad alimta. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Innaka anta 'allamul ghuyub. C'est toi certes le grand connaisseur de tout ce qui est imperceptible. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ces versets, dit: Faqul lahu, dis-lui à ce polythéiste qui est venu avec cette ambiguïté de prétendre que le shirk se limite à l'adoration des statues. Arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam. وَكَفَّرَ أَيْضًا مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِينَ وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Tu sais maintenant, tu as connaissance qu'Allah a taxé de mécréance, a statué de la mécréance de ceux qui se dirigeaient vers les statues, qui vouaient le culte aux statues. Et il a statué de la mécréance également de ceux qui vouaient le culte, qui se dirigeaient vers les vertueux. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus sans faire de différence entre eux. Il n'a pas fait de différence entre celui qui adore une statue et celui qui adore un arbre, entre celui qui adore une pierre et celui qui adore une tombe, entre celui qui adore un ange et celui qui adore un prophète. Car le résultat est le même. Peu importe ce qui est adoré en dehors d'Allah, à partir du moment où la personne adore autre qu'Allah, que ce soit un prophète, un ange, un vertueux, un djinn, un sorcier, une tombe, un mausolée, une pierre, un arbre ou toute autre chose adorée en dehors d'Allah. À partir du moment où la personne adore autre qu'Allah, alors elle est tombée dans le shirk akbar, le polythéisme majeur. Et elle est ainsi semblable aux premiers polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc on voit que la réponse à cette ambiguïté est une réponse très simple. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'avait également réfuté dans son livre « Les quatre règles ». Ensuite, il vient avec une troisième ambiguïté. « Fa'in qal » Et s'il dit, après cela, s'il continue et persiste, « Al-kuffar yuriduna minhum » Les mécréants, c'est-à-dire les mécréants sur qui le Coran est descendu et sur qui il a été révélé, ils attendaient d'eux, ils recherchaient d'eux, c'est-à-dire ils recherchaient de ces êtres qu'ils adoraient en dehors d'Allah. C'est-à-dire que ils voulaient ce qu'ils recherchaient de la part de ces divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et le polythéiste, parmi les polythéistes de notre époque, il va dire « وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُ الْمُدَبِّرُ لَا أُرِيدُ إِلَّا مِنْهُ » Tandis que moi j'atteste qu'Allah, c'est lui le seul qui a la capacité de profiter ou de nuire. C'est le seul à tout administrer et je n'attends que de lui. والصالحون ليس لهم من الأمر شيء. Et les vertueux ne détiennent rien de cela. C'est cela son ambiguïté. Il veut laisser penser que les premiers polythéistes attendaient quelque chose de leur divinité. Et lui, il n'attend rien de ce qu'il adore en dehors d'Allah. Mais il n'attend que d'Allah. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. Mais je me dirige vers eux, c'est-à-dire je leur voue différentes sortes d'adorations comme l'invocation, le sacrifice auprès de leur tombe et de leur mausolée, je leur voue des vœux et ainsi de suite. Pourquoi ? J'espère d'Allah leur intercession. Comment on répond à cette ambiguïté ? En réalité, la réponse est dans la réponse à la première ambiguïté déjà. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. Ceci est la parole des mécréants mot pour mot, c'est-à-dire les mécréants sur lesquels le Coran est descendu. Il disait exactement la même chose. وقرأ عليه قوله تعالى. Et lis-lui la parole d'Allah. والذين اتخذوا من دونه أولياء. Et ceux qui ont pris en dehors de lui, en dehors d'Allah, des alliés. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ils recherchaient donc seulement à se rapprocher d'Allah. Et lis-lui également la parole d'Allah. وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc les premiers polythéistes également, ils ne recherchaient, à travers l'adoration qu'ils vouaient à leurs idoles, qu'à se rapprocher davantage d'Allah et à ce que ces idoles intercèdent en leur faveur auprès d'Allah. Car ils pensaient qu'ils n'avaient pas l'aptitude d'invoquer et de demander directement à Allah. Donc ils ont pris des intermédiaires, pensant que ces intermédiaires allaient les rapprocher du Seigneur de l'univers. Donc il n'y a pas de différence entre cette prétention de ce polythéiste, parmi les polythéistes contemporains, que ce soit à l'époque du Cheikh rahimahullah ta'ala, ou ceux qui sont encore présents jusqu'à nos jours, et ce que faisaient les premiers polythéistes parmi les polythéistes de Quraysh. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala de nous dire « Wa'alam anna hadihi shubaha al-thalath hiya akbaru ma indahum » Et sache que ces trois ambiguïtés sont ce qu'il y a de plus grand auprès d'eux. C'est-à-dire, c'est les trois plus grandes ambiguïtés par lesquelles ils trompent les gens. La première, ils disent que celui qui reconnaît la seigneurie d'Allah, ce n'est pas un mushrik, ce n'est pas un polythéiste, car il sait que c'est Allah le seul créateur. La deuxième, c'est que le shirk est seulement l'adoration des statues. Quant à celui qui adore des vertueux, des tombes et des mausolées, il ne fait pas du shirk. Et la troisième, c'est que les kuffars, les premiers polythéistes, ils attendaient, selon leurs prétentions, ils attendaient de leurs idoles, alors qu'eux, ils ne veulent des tombes des vertueux que leur intercession auprès d'Allah. Et on a vu la réponse à ces trois ambiguïtés. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ وَضَّحَهَا فِي كِتَابِهِ وَفَهِمْتَهَا فَهْمًا جَيِّدًا فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَرُ مِنْهَا. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié cela dans son livre, c'est-à-dire qu'il a clarifié la réponse à ces trois ambiguïtés. Comme on l'a vu, les versets du livre d'Allah sont clairs et sans équivoque à ce sujet. Il dit le Cheikh, si tu as bien compris cela d'une bonne compréhension, alors ce qui va venir après est encore plus simple, inshallah. Si tu as compris la réponse à ces trois ambiguïtés, alors la réponse aux ambiguïtés suivantes sera encore plus simple, bi'inillahi ta'ala. Et on lira la suite des ambiguïtés et des réponses à celles-ci lors des prochains cours, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.